Adieu Paude, adieu Paude carnaval. Au mangiar de la soupe à fraîche et lui saisir sa prestage. Et allez, ça recommence. Adieu Paude, adieu Paude, adieu Paude carnaval. Et ça continue. Ah oui, tu t'embases, yeux de mollet, adieu Paude carnaval.